Bon, mais c'est bien d'avoir des repères des fois, et le repère c'est 20h Pyongyang City Rockers. Ah oui. Nous en sommes à notre numéro 427 avec 427. Ce soir Henri. Salut Stéphane. Attends, parce que là, j'ai pas mis le bon micro. Non, je fais le 8. C'est pas possible, hein. Je confonds le 7 et le 8. T'sais. Moi je sais compter jusqu'à 5, donc voilà quoi. J'y prêterai attention pour mon choix de micro à la prochaine émission. Ouais, bon, ça va. Et le grand retour de Mr. Thibault. Hello! Et ouais, depuis 3 mois, on a compté là, bon, les agendas, tout ça. C'est plaisir de revenir à Radio Campus, à la maison des étudiants de Lille, hein. Voilà, super. Ah ouais, toi, t'es en terrain de connaissance. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bon. Ça me rappelle ma jeunesse. Oh là là, quand j'étais jeune. Parce que t'as été jeune, toi. Ouais, ouais. Les années 2010, tout ça. Ce soir, pas mal d'annonces de concerts pour ma part, et puis je pense pour toi, Thibaut. Ah ouais, bah on est venu, Henri comme moi, parler de deux concerts qui vont se passer cette semaine, voilà. Mais on en reparle tout à l'heure. Ouais, bah ouais, parce que tout de suite déjà, je vais annoncer un concert qui a lieu maintenant, tout de suite, ah ce oui soir, au BNR. Au BNR, et bah c'est marrant, tu vois. Il y a toute une série de groupes, oui. Pivnitsa, Fish People, Detax et Voot. Donc Voot, c'est comme Fish People, ils viennent de Hambourg. En Berlin, j'ai vu que c'est des Allemands, j'ai pas été une plus loin. Ville en Allemagne, en tout cas, c'est sûr. Et ce soir, ils sont au bout de nos rêves à Grand Ramcroix. Et on va pouvoir les écouter ici tout de suite maintenant dans Bodensatz. C'est que, enfin, s'ils arrivent, non, si j'arrive à les retrouver. Voilà, les voilà, Voot, W-U-T, mais je pense que le U il se prononce pas. Enfin, faudrait leur demander, mais bon, ils sont pas là, donc fait chier. On prononce comme on veut. Bon, oui. Oui. Tu veux qu'on appelle Pierre ou Inès du BNR? Je t'en prie. Qu'on embrasse. Allez, voilà, vous, bonne date. C'est Toupette, je crois, au singulier. Bah, c'était très bien, ça. Ouais, c'est cool. Ouais, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais le devoir nous appelait, nous sommes donc arrivés à Villeneuve-d'Ascq. Bah ouais, bah en tout cas, pour celles qui peuvent pas aller ce soir au BNR, sachez que y a une grande partie de ce plateau que vous pouvez retrouver au CCL dimanche. Bah ouais, plateau, on dit ça comme ça dans le monde de la culture, Stéphane. Je te vois, je t'ai agité comme ça. Je suis pas cultivé, alors dans le monde de la culture. On peut dire, ah ouais, on peut dire line-up aussi, tu vois, line-up, plateau, voilà, ça, genre ça de truc. Ça parle plus de monde, line-up. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Qui ont des bases un peu d'anglais. Même. Ouais. Même. Ah, tu penses? Ah ouais. C'est à cause de tous les festivals, je pense. Ils mettent pas plateau, ça fait un peu plat. Plat, plateau, c'est peut-être pas envie. C'est vrai que l'anglais, tout de suite, t'as plutôt envie d'y aller, quoi, tu vois. Bah ouais, puis on sait que ça va être des professionnels, tu vois, du vrai spectacle, ouais. Donc, ouais. En anglais, tout de suite, c'est mieux, quoi. À fond. Ouma, allez, revenons à nos moutons. Du coup, ce dimanche 29 mars, à partir de 20h au CCL, 4 rue de Colmar à Lille, il y a un line-up, un plateau de 4 groupes à prix libre, dont Pivnica, les Slovaques qu'on va écouter tantôt, qui sont aussi ce soir au BNR. Les Gantois et les Gantoises de Detax, qui est un groupe d'anarcho-punk, et les locaux de l'étape, Mer Mortals et False. Donc, Pivnica tout d'abord, parce que c'est un peu autour d'eux qu'on a monté la date avec Henri. Donc déjà, ça veut, bon, pour information, ça veut dire cave en slovaque. Ça joue du punk hardcore. Ils sont en tournée européenne et anglaise. Et comme je dis, voilà, ils seront aussi au BNR ce soir. Il y aura aussi des taxes donc de gants qu'on a pu voir à Lille pour celles qui s'en rappellent au Lille en short, le festival qu'on avait fait l'été dernier au mois de juin. C'était au CCL toujours, voilà, un lundi, un mardi, c'était incroyable. Et qui aura lieu d'ailleurs cette année, mais on vous tient au jus tantôt quand on aura fini de bosser là-dessus avec avec les punks. Quand on aura bossé le plateau. Il y a un petit et un grand plateau, mais ça c'est plutôt pour les cyclistes, les bikers. Bikers punks de Lille. C'est ça. Grand plateau, petit plateau. C'est ton opinion. Ah ouais? Bah oui, l'opinion. Ah, l'opinion, ouais, l'opinion. Oh là là là là là là. On va faire plein de blagues autour du vélo, ça va être bien ça. Ah bah j'enchaîne. Ah bah, ouais. Pas mal. Mais faut pas que tu câbles. Bon, non, un peu. Freine un peu sur les blagues sur le vélo, Stéphane, si tu veux. Voilà, des taxes. On parlait de des taxes de gants qui font de l'anarcho-punk et c'est très cool. Enfin, du coup, les locaux de l'étape, pour revenir sur notre jargon de cycliste. False, les Cambrésiens. Bien connu de la scène, du power violence, toujours fort, toujours vite. Enfin, il y aura Mer Mortals de Lille, aussi bien connu, avec un line-up qui a un peu changé, avec un nouveau batteur. Et ça joue punk, hardcore, fastcore. Pour commencer, on va se mettre un petit Pivnica avec le titre Tupsi, qui signifie stupide. Qui est sorti sur un split de 2023 en compagnie des célèbres, on peut dire ça comme ça quand même, anarcho-punk anglais de Active Mind. Oh bah ouais quand même, putain Active Minds. Ouais. Quand j'avais une distro, c'est le premier truc que j'ai vendu. Je te jure, la première 45 tours. Ouais. Ouais. On s'envoie ça. Bah oui. Allez. Pivnica. Pivnica. Tutsi. C'est le surnom de Stéphane aussi en République Tchèque. Mejor Et pour les gens qui n'auraient pas suivi, Pujinitsa joue ce soir. Vous pouvez, si vous n'êtes pas trop loin de tourner, vous pouvez encore peut-être aller jusqu'à Goran Ramcroix pour les admirer en compagnie de Detax, Fish People et Voot. Ouais, ou ce dimanche au CCL. Au bonheureux. Bien ce dimanche au CCL. En attendant, nous, on organise aussi au Old Dirty Bignou à Lille. C'est rue des Postes. J'ai pas le numéro. 45. Mais, merci. Et parfait. Et ce sera vendredi 27 mars. Donc, à partir de 20h, 20h30. Évidemment, à prix libre. Deux autres évidences te pointent pas si t'es relou. Ou si t'es faf, mais bon, voilà. Donc, nique les faf, mais sur quel air? Eh ben, il y aura du beau monde, à savoir Chess Week, les cross-out lillois, Wave of Fear, les anti-Simex gantois, je crois qu'on dit comme ça, Gutter, les bloteurs lillois, pour pas encore les comparer à Glou, et pour finir, Argfuckkill, souvent abrévié AFK, les Nightfeeders en bourgeois. Je vous passe un titre du dernier EP Gift, paru en août 2025 chez Ruin Nation Records. Donc c'est parti pour Einenhalb Grad, ce qui veut dire 1,5 degré en plus. Je pense que ça parle de réchauffement climatique. Ouais. Merci. Bah oui, bah, il faut parler. Là. Eh oui. Pardon. Oui, bah, si vous avez pas retenu, c'était Argfuckkill AFK avec le titre Einenhalb Grad. Donc ça jouera le 27 mars 43, c'est ça, tu m'as dit, rue des Postes ? 45 rue des Postes, pardon, ah, au ODB. Tu connais donc, pas les principaux rats de ton bled ? Pas leurs adresses. Je sais les trouver, mais pas via l'adresse. Moi, c'est parce que je donne les adresses tous les lundis soir et tous les jeudis matin. C'est parce que tu regardes le Beautard avant d'y aller. Non, non, mais. Une fois que je les ai écrits une paire de fois, puis que je les ai dit une paire de fois dans le micro, c'est bon, je m'en souviens quand même. C'est bon quoi. Ouais, j'avoue. Pour bien vous faire rentrer dans le crâne de ce concert de ce soir, vous pouvez encore y aller, c'est bien sûr si vous êtes motorisé, hein, ou alors si vous habitez juste à côté. Mais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de maisons à côté du BNR. Il y a des carrières, ouais, mais voilà. Donc vous pouvez vous pointer au BNR et vous pourrez peut-être encore profiter de la prestation de Fish People. Ils sont bien de Berlin et tout à l'heure je disais Hambourg, n'importe quoi, Stéphane, une claque dans sa gueule. Et voici donc Fish People qui vont jouer en compagnie de Voot, de Pujinitsa et de Detax ce soir au bout de nos rêves, que l'on salue au gros passage. Fish People avec World Breaker. Thank you. Piège. Ouh. Ça commence sur les chapeaux de roue. Pouette. Bon, allez. Bah écoute, on va continuer, hein, vu qu'on est sur ce double concert des Tax Pinissard. Donc un qui joue bah, du coup ce soir au bout de nos rêves et l'autre au CCL. Autant envoyer les Gantois, le groupe anarcho-punk des Tax. Exactement ça qui suit. Bon, bah allez, c'est parti. Un titre qui est sorti du coup sur leur démo Just a Rehearsal, donc juste une répète, qui était sorti en 2023. Ça s'appelle Refugees. Sur campus, en 6,6. 6,6, oui. Excellent son des années 80, là, bullshit detector et tout le bordel. Moi, j'adore ce genre de truc. Bon, il paraît qu'en live, c'est vachement mieux. Bah, ça sonne moins démo, quoi. C'est sûr. Bon, bah, c'est ouais, tout. Ça alors. La pêche. Et bah, puis, pour la peine, je vais vous passer un groupe qui, par contre, est extrêmement produit et qui, en plus, va se produire demain soir au bistrot de Saint-Saul, The Darts. Oui. Voilà, parce qu'il fallait un petit peu casser le rythme et puis passer des trucs plus. Garage peut-être. Et puis avec Darts, il y aura qui déjà ? Il y aura quoi ? Il y aura deux DJ sets, oui. Mais je sais même plus qui. Oh, puis j'ai perdu. Voilà, Gingerella et Cindy Looper. Cindy Looper, c'est une nana de RCV. Ouais. Donc ce sera au bistrot de Saint-Saul, 17 boulevard Lebas, à partir de 21h. C'est pas la peine de vous partir avant parce que sinon vous êtes obligé de boire. Et la bière est quand même pas donnée au bistrot de Saint-Saul, ouais, même sûr. Si par contre l'entrée pour le concert est gratuite. Voici donc The Darts avec Midnight Creep. Listen to me, snore, don't be shy, don't be scared, put your claws in the air. oui. Bon, alors, apparemment, UAV, ça a beaucoup plu la semaine dernière. Alors, je reviens. Bah oui, c'est toi, mon avis, ma boussole. Alors, je reviens avec du noise punk. Bon, c'est pas mal, 10 bits quand même, mais ça se résume assez bien avec le nom de la sortie, Noise and Fuck Melody. Première sortie des Chiliens de Ken Peitai. Si j'ai bien compris, c'est dédicacé aux moineaux, de Conchali. C'est une partie de la ville de Santiago. Voilà, on a le droit d'aimer les oiseaux. Vous l'aurez peut-être compris au nom du groupe, c'est complètement d'influence japonais. Ken Peitai, ça veut dire soldat de la loi, en japonais donc. Et on se souvient d'eux, l'histoire se souvient d'eux comme la police secrète, voire la Gestapo japonaise, tout simplement. Voilà. Je vais donc vous passer les morceaux Ken Peitai, suivi de Om Shinrikyo, un morceau sur la secte du même nom, qui était dirigée par Shoko Ashara, qui sera exécuté par l'État japonais en 2018, ainsi que 12 autres de ses adeptes, connus notamment pour une série d'attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo au milieu des années 90. Bon, voilà. C'est pour les fans de Chaos Channel, et c'est parti. めでたき聖書に載れるとこの第一歩に当たります。国民と共に聖書の万歳を心の底から賛唱いたしたいと思います。天皇陛下万歳。 Ils sont bons, les gars, putain, ouais, franchement. Ils savent ce qu'ils font. Ouais, c'est bien. Il n'y a plus beaucoup de mono-vivres, après. Ils ont dû s'envoler, oui. Encore un petit concert demain qui aura lieu à la Bratkev. Il y aura du gros hardcore qui tue, qui tâche et qui fait des trous dans les chaussettes. Et en plus de ça, il faudra faire attention aux points qui volent. Parce que, enfin non. Ça mouline. Pas trop de mouliner peut-être à la Bratkev parce qu'il y en a qui font attention, mais des fois. Je sais pas, moi j'ai vu des plans de safe zone et tout là-bas une fois, ouais. À une soirée, donc je sais pas si ouais. C'est toujours le cas. Mais... Safe zone, il y aura peut-être donc à la Bratkev demain pour voir les Los Angelesois, je vous ai dit comme ça, de Gridiron, Gridiron. Et puis il y aura aussi Despise, Demonstration of Power et Broken Ankles. Ça c'est bien, Broken Ankles. Bah ouais, non mais bon voilà. Gridiron c'est bien aussi. Je recommande particulièrement la vidéo de leur du titre que je vais passer maintenant, qui s'appelle Mascotte. La vidéo, ils se tapent le délire de défiler dans une Rolls-Royce flambant neuf dans les quartiers de Los Angeles. Vraiment, c'est ridicule quoi. En plus, les Rolls maintenant, ils sont vraiment dégueulasses quoi. Enfin, vraiment, c'est plus les Rolls de l'époque. Ben non, voilà. Enfin, à une époque, ils savaient faire des moteurs d'avion puis des bagnoles. Ils ne savent plus rien faire maintenant. Ah, voilà, moi, je tiens à le dire. Voici donc Gridiron qui vont passer demain soir à la Brad Cave. Vous les voici avec Mascotte. C'est fini. Voilà. Il est 8h32 à l'antenne de Campus en 6,6 DAB plus 7C. Et oui, campuslille.com, je l'ai dit tout et dans l'ordre. J'ai bon et j'aurai droit à une bière, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien. Impeccable. Allez, on l'a fait France Culture, c'est... pour la deuxième France Culture. Heure. Ouais, pardon, c'est moi, je demandais si j'enchaînais, si tu enchaînes. C'est pas toi. C'est toi Thibaut ou... Ah non, je vous laisse déjà. Bon, bah, okay. C'est tout, je reviendrai sur... C'est une émission préparée. Hein. Ah oui. Bah, ce sera Systema Obsoleto, comme ouais. Ça tu es préparé d'avance. Donc c'est une sélection que je vous propose pour les prochains titres de A World Divided Tapes, un label qu'on a déjà pu citer dans cette émission. Oui. Donc c'est un label qui était basé à Montréal il y a encore peu de temps et qui maintenant est basé à Tunis, en Tunisie. Bah, alors ça a réédité pas mal de choses ces derniers temps. Et on commence tout simplement avec Systema Obsoleto, groupe macédonien qui chante en portugais. Leur sortie Esmagado Pela Engrena Game Capitaliste, voilà, je ne ferai pas d'accent, écrasé par la machine capitaliste, c'est sorti pour la première fois en 2025 chez Neon Taste Records. C'est donc réédité au format cassette depuis mars 2026. Depuis ce mois-ci. Et je vais rester fidèle à la description qu'en fait A World Divided pour les fans de Totalitar, par des fans de Totalitar. J'en ai déjà trop dit. O opprimido vira o oppressor. Systema Obsoleto. S'il vous plaît. Yeah! en effet totalitaire. Yes. Vous avez tout à fait raison. On va se calmer un petit peu avec encore un truc qui passe ce soir. Les affaires reprennent en ce moment. Il y a des concerts le jeudi, alors que pendant tout un temps, il y avait un ou deux c'était trucs. Plus calme, ouais. Voilà. Et là, tout à coup, pouf, il y en a plein. Rien que demain. C'est le printemps, ouais, les concerts poussent et les groupes aussi. À Courtrai, il y aura au Pits Kabouter Pötler et en première partie, Hont. Alors, Hont, ça veut dire chien. Ok. Voilà. Mais l'autre, là, Kabouter Pötler, je sais pas ce que ça veut dire. Un Kabouter, c'est une espèce de gnome, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça. Mais alors, après. Bref, en tout cas, ça risque d'être assez rigolo, vu que le premier, donc Kabouter, tu vois, machin chose, fait du rêve punk. Vous allez pouvoir l'entendre d'ici quelques secondes. Et honte, j'ai déjà passé l'année dernière, et c'est du punk. Alors, oui, ils se décrivent comme anti-pop, punk-pop. Avec t'es renseigné. C'est sûr. Je ne passerai pas de titre de honte ce soir. Par contre, voici Kabouter Pötler avec un truc qui parle de notre problème à tous, le problème de la boisson, drague problème. quoi. C'est 12 balles hein, demain soir quand même à Opitz. Je commence à être préparer le cash. Et début, enfin ouverture des portes à 18h, je tiens à vous le dire. Quelqu'un passe quelque chose. Allez, là, Thibaut, là, tu te. Allez, bah let's go. Bah écoute. Tu te complais dans la fainéantise. Je me complais pas dans la fainéantise, Stéphane. J'ai pas beaucoup de choses ce soir. Voilà. Ouais. Mais il me reste quand même deux titres. Et écoute, je me complais dans la fainéantise parce que je vais les enchaîner, si tu le veux bien. Vas-y, je t'en prie. Toujours au CCL, du coup les locaux de l'étape, comme on disait tout à l'heure, Mère Mortals et Falls. Il y en a bien un qui vous couvrira le concert. D'ailleurs, on ne sait pas encore trop l'ordre d'ailleurs des groupes, mais bon, ça sera à partir de 20h et on pense jusque minuit, quoi, histoire que tout le monde. Bon, mais oui, histoire que tout le monde aille choper le dernier métro, que tout le monde puisse voir les concerts dans un monde merveilleux, voilà. Bah. Du coup, on aura Mère Mortals et Falls, bien connus de la scène. Je vais commencer par un titre de Mère Mortals qui s'appelle Anguish, qui est sorti sur leur EP qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Defeat. Donc un EP qui a, quasiment un LP dans l'absolu, ce qui a beaucoup de titres, mais bon, dans l'absolu, ils ont appelé ça un EP, donc. C'est un EP, ça s'appelle Defeat, voilà. T'as jamais vu un EP avec 15 titres dessus ? Bah si. Quand il fait 10 minutes, ouais. Ah. C'est ça. Ouais, bon. Et le morceau sélectionné s'appelle Anguish. Et dans la foulée, on aura False avec Fit It To The Flame, sorti en février de cette année sur un split avec les Allemands de Chronic Pist. À 20h45. Mère Mortal puis Falls. Voilà, on retrouvera au CCL ce dimanche. Tout à fait, en compagnie de Detax les Belges et les Slovaques de Pivnica. Exactement. Voilà. Prix libre toujours, hein. S'il faut-il le rappeler. Oui, c'est voilà. Oui. T'es fatigué de journée, t'sais. Mazette. Elles me font travailler, elles me font lever tôt, c'est n'importe quoi. Tu devrais un jour raconter ta journée typique, comme t'as commencé à le faire dans la voiture tout à l'heure. C'est pas faux. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Allez, moi j'enchaîne avec PAZ ou PASS, enfin ou PAZ en tout cas, parce qu'il y a un point entre chaque lettre. C'est sorti ce mois-ci aussi chez A World Divided. Cette fois-ci, c'est pas une réédition, c'est sorti ce mois-ci. C'est du pur hardcore 10 bits, tout droit venu de Berlin. C'est chanté en espagnol avec une prod monstrueuse. J'espère que vous aimez entendre les kicks plus que tout. J'exagère un peu quand je dis ça, mais disons qu'il y a un traitement de son presque musique électronique sur la batterie. Vous verrez. Donc, c'est pour les fans du côté 10 bits lent de Kuro, ou l'énergie barcelonaise à la lumpen avec une pointe de métal qu'on ne retrouve pas forcément chez les susnommés. Quand je dis métal, c'est juste qu'il y a des passages en trémolo. Hein. C'est un peu crust. Quoi. Bon, je... ça va alors. Enfin, ça voilà. Passe. C'est ça. C'est pas du crust punk non plus, c'est pas doom, mais bon, vous verrez. Bref, sur l'embandcamp, vous pourrez lire « Liberté pour tous les peuples opprimés, mort aux États, au sionisme et au système moderne et sans pouvoir, visionne par passe. » Hemos escuchado a jóvenes, anarquistas, libertarios, punks y cuanta madre como se llama cada quien para rebelarse en contra de los que están allá arriba. The Medellin sent me a letter. Probably right. The man knows just what it's like. put me in this steel room to keep all of his daughters safe. Decent folks now may sleep well again. The beast is finally in a cage. He say my head's too dangerous. He say my head ain't right. He say he can't have me run around, and he's probably right. He's probably right. He's probably right. The man know just what it's like. C'était quoi ça? C'était John C. Pornick Casino, parce que j'avais envie, parce que j'en ai écouté un petit paquet ces derniers jours. Le titre, c'était The Man, ça date d'il y a 4-5 ans, ouais, 2021, je crois. Encore un truc, ouais, on a presque... Mais ça nous vient d'où, ça, du coup, de Pornick? Non, pas du tout. Alors, ouais, c'est un Américain, oui, qui habite à Hanovre. Et qui joue avec des... Alors au départ... Hanovre ou Hambourg? Non, Hanovre. Hanovre. Ou Berlin. Berlin. Munich. Dortmund. Au départ, John C. Pornick Casino, c'était un trio et avec deux... Donc la Merloc, John C. Warnick, c'est son vrai nom. Et deux Russes, je ne sais plus comment ils s'appellent, dont le bassiste qui jouait de la balalaïka basse, quand même. C'est un truc qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est particulier. Il y en a un autre qui joue la batterie, et puis il y a un bassiste qui joue de la basse normale. Donc, mais par contre, c'est toujours Zimboum dans ce genre-là. Surf, okay. Country cowboy, tout ça. Et surf. Surf Country Callboy, c'est ça. Et au départ, c'était leur description, c'était Russian American Surf Federation. Voilà, pas mal. Incroyable. Youpi. Et ils passent pas trop souvent dans le coin. Hein. C'est con. Faudrait faire passer un jour. Bref, ouais. Un jour. C'est noté. On y va. Oui, allez, moi, il y a cette dernière réédition du coup de A World Divided qui nous vient de Colombie cette fois. C'était déjà sorti sur la Bidas Es Un Mus en décembre 2025. Donc je l'ai vu passer dans le top 2025 de beaucoup beaucoup de gens, mais notamment sur genre 3/4 des gens de Maximum Rock'n'Roll, ce genre de trucs, et de plein de francophones. Donc 4 mois plus tard, je me suis enfin lavé les oreilles pour pouvoir écouter cette pépite avec des membres de Muro ou Alambrada. Vous connaissez mon amour pour Muro. Je vous parle de Unidad Ideológica. Unidad Ideológica, je ne vais pas y arriver. Ah, c'est ça. Et de leur deuxième album, Choqué Asymétrico. Alors, une fois de plus, ça joue super vite façon Poison Ivy, avec toujours un goût pour les compos Burning Spirit à la Bastard, Execute ou encore une fois Kuro. Donc, je vous laisse avec le morceau Collapso. ¡Suscríbete al canal! Il nous reste juste quelques secondes pour dire au revoir. C'est la fin de Pyongyang City Rockers. On fait qu'une heure ce soir. Oui. Pour faire mentir le petit texte que j'ai mis sur le réseau social tout à l'heure. On se retrouve la semaine prochaine pour la 428e de PCR avec peut-être des invités, peut-être pas. Va savoir qui sera là, on ne sait pas. Peut-être moi, peut-être pas. peut-être vous, peut-être pas. peut-être nous. Vous avez un dernier truc à déclarer, non? Voilà. Eh bien, si, parce qu'il y a toujours un dernier mot à déclarer à la fin de l'émission, c'est ACAB. Et justement, on se quitte avec le titre du même nom de Male Idiot Theory, ACAB. Au revoir.